La tragédie de juin 1940, aujourd'hui, Paul Reynaud recompose son gouvernement. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Et aujourd'hui, notre interlocutrice, Bénédicte Vergès-Chaignan. Bonjour à vous, Bénédicte. Bonjour. Vous avez produit nombre de livres de référence sur l'époque qui nous intéresse. Le tout dernier, c'est Bonnier de la Chapelle, un jeune homme qui a assassiné, trop jeune, l'amiral Darlan. Et puis vous avez fait un livre extraordinaire sur le maréchal Pétain, aux éditions Perrin, le maréchal Pétain qui a exercé le pouvoir trop vieux. Alors, aujourd'hui, première, une installation, une application sur votre téléphone, et ce grâce, Bénédicte, à l'intervention de votre officier du train, du génie, des télécommunications personnelles. Avec mon officier de liaison, le téléphone de campagne marche. Très bien. Alors, notre thème, la recomposition du gouvernement, le président du Conseil, qu'il est depuis le mois de mars, il a été investi d'une voix, un peu par raccro, il a une légitimité faible. Paul Reynaud veut redonner du lustre, de l'unité et du muscle à son gouvernement. Alors, petit portrait de Paul Reynaud. On a dit que son prédécesseur, le taureau du Vaucluse, il était élu de Carpentras, n'avait de cornes que des cornes d'escargot, que c'était un personnage de théâtre de vaudeville, et qu'on était dans un drame shakespearien. Reynaud, que l'Action française surnomme Tom Pouce, a-t-il davantage de dimensions ? Alors, petit portrait pour petit homme par la taille, mais avec une grande réputation d'énergie. Et j'utiliserai un adjectif un peu vieilli pour le décrire, je dirais qu'il est sémillant. Voilà, c'est un homme qui a une petite soixantaine d'années, il appartient à la droite libérale, il appartient en principe à un parti qui s'appelle l'Alliance républicaine, qui lui offre en réalité un appui chancelant. Et puis, Paul Reynaud, il s'est fait une réputation de spécialiste des questions économiques et financières, mais aussi dans un autre domaine sur lequel on va revenir, je pense, de spécialiste des questions militaires. En tout cas, c'est quelqu'un qui refuse tout compromis avec l'Allemagne. Il est l'auteur d'une formule célèbre, « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Et dès qu'il est arrivé à la tête du gouvernement, il a lancé l'expédition militaire franco-anglaise en Norvège. Et puis il a conclu un accord avec les Britanniques, avec un engagement mutuel à ne pas conclure de paix séparée avec l'Allemagne. Redonner du lustre au gouvernement, il imagine de poser le buste du maréchal Pétain sur la cheminée, en imaginant Exactement. Qu'il sera là, tranquille. Alors le maréchal Pétain, dans votre grande biographie, vous le présentez dans de longs chapitres comme un retraité providentiel. Retraité providentiel alors que d'aucuns songeaient à lui pour la présidence de la République, à la place du malheureux Albert Lebrun. Il a été nommé ambassadeur auprès de Franco quand les nationalistes ont vaincu en Espagne et installé provisoirement leur capitale à Burgos. Léger retour en arrière, nous sommes l'été 39. Le maréchal Pétain part en Espagne comme ambassadeur de la France. Puisque Léon Bérard, ancien ministre, qui l'avait précédé à Burgos comme envoyé extraordinaire, veut bien, pour nos auditeurs, parler de la mission qu'a acceptée, malgré son grand âge, le magnifique soldat admiré et respecté dans le monde entier. Écoutez, monsieur Léon Bérard. Il y a un mois à peine, on pouvait se demander s'il serait aisé au gouvernement français d'envoyer auprès du gouvernement de M. le général Franco un représentant de caractère assez indéterminé. qui eût été un peu plus qu'un consul général, un peu moins qu'un ministre plénipotentiaire. Et maintenant, le maréchal Pétain, nommé ambassadeur de France en Espagne, va se mettre en route vers Burgos. Alors nous sommes un an plus tard, il rejoint Paris, le maréchal Pétain. Il paraît que dans les conseils du ministre, il est très disert quand il s'agit de 1918. Ses souvenirs sont précis, ils le sont moins quand il s'agit de l'ambassade en Espagne, qu'il tenait pourtant juste avant. Rafraîchissez la mémoire du maréchal Pétain sur son rôle en Espagne, Bénédicte. Alors, il a été envoyé comme gage de bonne volonté de la France pour se réconcilier avec l'Espagne de Franco. Et donc, on a choisi un ambassadeur extrêmement prestigieux. C'est le maréchal Pétain, dans la deuxième moitié des années 30, c'est ce que la France a de plus proche d'une altesse royale. C'est lui qu'on envoie toujours, vous savez, dans les mariages ou les enterrements à l'étranger. Il représente la France de façon extrêmement prestigieuse. Donc c'est pour ça qu'il a été choisi comme ambassadeur en Espagne, beaucoup plus qu'avec une mission définie. Et d'ailleurs, ses compétences diplomatiques sont assez faibles. On entendait Bérard qui l'avait précédé en faisant des accords avec le général Franco. Il a entériné tous les accords qui étaient défavorables à la France et favorables à Franco, sans rien obtenir d'ailleurs de Franco. Sans rien obtenir, avec l'obsession, il pense que ça... Mission principale est d'empêcher que l'Espagne franquiste se joigne à l'Allemagne nazie dans la guerre et ouvre ainsi un second front au sud-ouest de la France. Alors, petit flashback, Bénédicte Vergès Chaignan. On a dit le tout et son contraire sur le rôle de Pétain quant à la conception de la stratégie pendant l'entre-deux-guerres. Avant qu'il ne soit plus qu'une athlète royale et un buste, il jouait un rôle important dans les comités stratégiques et il n'était pas toujours aussi conservateur qu'on l'a expliqué plus tard. La victoire, disait-il, appartiendra à celui qui saura le premier exploiter au maximum les propriétés des engins modernes et combiner leur action. En réalité, il a été un commandant en chef pendant la Première Guerre mondiale, très porté sur les innovations tactiques et techniques. C'est une de ses marques, vraiment, et ça lui a valu de grands succès. Mais il s'est un peu endormi sur ses lauriers, ou plus exactement sur ses feuilles de chêne de maréchal. Et en fait, il est tellement persuadé qu'il a toujours la bonne solution que, ma foi, les innovations sont maintenant au rayon des souvenirs. Et c'est vrai qu'il a eu de grandes responsabilités puisqu'il est resté à la tête des armées françaises jusqu'au début des années 1930 et il était encore ministre de la Défense en 1934. Alors, retraité providentiel depuis, vous le peignez comme un homme madré, qui ne s'engage jamais très clairement, mais qui est le centre, sans toujours le vouloir d'ailleurs, d'intrigues nombreuses, et il y en aura, dans le cabinet Reynaud-Remanié, dont il est le vice-président du Conseil. Redonner du lustre, redonner de l'unité. Oui, parce que il y a un parti de la paix, en fait, jusqu'au sein du gouvernement. Bénédicte Vergès. Oui, un parti de la paix ou un parti du compromis qui comprend des hommes politiques de premier plan comme Pierre Laval, ancien président du Conseil, Georges Bonnet, ancien ministre des Affaires étrangères, tous les partisans des accords de Munich de 1938 qui pense qu'il n'est pas forcément nécessaire, maintenant que la défaite de la Pologne est consommée, de continuer la guerre contre l'Allemagne nazie. Et tout ce petit monde s'agite très très fortement au Parlement et même au sein du gouvernement. Alors, il va éliminer le président Reynaud au moment de son remaniement de début juin. Son prédécesseur, Daladier, Sarraut, le radical socialiste type, Anatole de Monzy, sénateur du Lot, extrêmement brillant, mais pas mal intrigant. Et il va nommer des hommes dont il pense qu'ils sont à lui, sauf qu'un certain nombre d'entre eux, je pense à Boutillier, je pense à Baudouin, vont se retrouver au premier rang du régime de Vichy peu de temps après. Voici le témoignage recueilli après-guerre par Jacques Chancel, 13 après-guerre, en 1978, de Dominique Leca, qui était le chef de cabinet de Paul Reynaud. On a dit qu'il était faible et inconsistant, il ne l'a jamais été. Il a donné l'impression d'être partagé parce qu'il voulait maintenir ensemble, étroitement unis, deux aspects de la France qui lui paraissaient parfaitement logiques l'un et l'autre. Il avait des amis dans le camp munichois, il avait des amis dans le camp anti-munichois. Ces deux moitiés de la France devaient être solidaires dans une guerre qui était une guerre vitale. Il a échoué puisqu'à ce moment-là, la France s'est coupée en deux et une guerre civile a commencé. Mais vous ne pouviez pas prévoir, mais vous imaginiez quand même que la place que vous occupiez était difficile à tenir. Sûrement, et je crois que le courage qu'il fallait pour l'accepter m'était inspiré par l'exemple de Paul Reynaud, qui lui aussi était parfaitement conscient de la difficulté de sa tâche, puisqu'il était un de ceux qui avait le mieux mesuré les insuffisances de la politique militaire française, qui avait été l'avocat de la formation des divisions cuirassées, et qui, malgré cela, n'a pas refusé la charge extrêmement lourde de conduire la guerre qui avait été déclarée avant qu'il ne prenne la place de président du Conseil. Et les trois quarts des ministres étaient ignorants du monde extérieur. Prenez par exemple un homme comme Boutillier qui a été ministre des Finances. Il n'était jamais sorti de France. Il ne savait pas l'anglais. Il vivait la guerre comme s'il revivait la guerre de 70. Pour lui, les Allemands avaient dépassé la Loire, ben c'était fini. Et la force du général de Gaulle, et la force de Paul Reynaud, et la force de tous ceux qui ont suivi l'exemple de Londres, c'est qu'ils avaient conscience que la planète était là, que nous n'étions pas seuls, et que par conséquent la partie n'était pas jouée en juin 40. Du général de Gaulle qui entre dans ce cabinet, on parlera à Bénédicte Vergès dans un instant, mais restons sur le thème de l'entourage, enfin des membres du cabinet, des collaborateurs directs. Le cas, il est un point d'équilibre, mais il y en a qui tirent à U, il y en a d'autres qui tirent à Dia. C'est assez étonnant parce que, au fond, dans son propre cabinet, comme dans le gouvernement, c'est Paul Reynaud qui a introduit le ver dans le fruit, à savoir les hommes qui vont tout faire pour parvenir à un armistice 10 jours plus tard. Et en réalité, il s'est entouré de beaucoup d'inspecteurs des finances, et puis ceux-là sont plutôt partisans au fond d'arrêter la guerre. Il a auprès de lui par contre un conseiller diplomatique, Roland de Margerie, qui est à fond pour cette vision planétaire de la guerre. Et puis il a auprès de lui sa maîtresse, sa compagne, Hélène de Porte, à qui on prête à tort ou à raison beaucoup d'influence. Alors, on peut s'arrêter un instant, histoire de sourire, sur ce personnage qui ressemble à la fois à Madame Songène et à la comtesse du Barry, à croire ses adversaires, en particulier Roland de Margerie, qui ne peut pas la supporter. Non plus d'ailleurs que le général Spears, qui est le représentant du gouvernement anglais auprès du gouvernement français, qui la trouve indiscrète, bavarde, exaltée, avec un toupet phénoménal, et ayant des partis pris personnels et politiques qu'elle essaye d'imposer. Après, elle est morte accidentellement le 28 juin 1940, et donc du coup, il est assez aisé de l'accuser de tous les maux et de toutes les indécisions de Paul Reynaud. Enfin, quand même, c'est un cabinet hétéroclite, c'est un entourage différencié. On reproche à Madame de Porte de confondre l'opinion des salons avec l'opinion de la France entière, mais que dire de l'opinion de la France entière? Paul Reynaud est très sensible à la question de l'opinion. Julien Gracq disait, on fait une guerre sans armes, qui n'a jamais créé d'état de foule, qui, parce que chacun dit secrètement « je » et jamais « nous ». Nous sommes en France autant de petits univers personnels verrouillés sur eux-mêmes. Enfin, ça c'est histoire de citer Julien Gracq avant Maurice Chevalier. Le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance, et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. Le sergent était boulanger-pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude. Mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant bouletait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent un socialiste convaincu. Le caporal inscrit sur toutes les listes. Et le deuxième classe au PMU. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Nous sommes avec Bénédicte Vergès-Chaignan, auteur notamment d'un Pétain aux éditions Perrin, et nous parlons de la recomposition du gouvernement Paul Reynaud, dont le maréchal Pétain est le vice-président du Conseil. Je citais le mot « opinion », Bénédicte Vergès. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Son cabinet reste hétérogène, même quand il a été remanié. Le président Paul Reynaud est obligé de tenir compte de l'opinion. D'ailleurs, comment peut-on la mesurer à ce moment précis, oui, au début du mois de juin? Tout à fait, au début du mois de juin. N'oublions pas que ça fait 3 semaines que l'offensive a commencé, qu'il y a déjà plusieurs millions de réfugiés sur les routes. Comment saisir l'opinion publique, c'est extrêmement difficile. Le maréchal Pétain, il a été choisi par Paul Reynaud parce qu'il était le vainqueur de Verdun, pour justement galvaniser l'union des Français. Mais le maréchal Pétain lui-même est d'ores et déjà persuadé que la guerre est perdue. Ce sont des paradoxes, des malentendus qui s'accumulent les uns avec les autres. Alors, il n'y a pas de sondage à l'époque, mais une carte postale peut en dire très long. Paul Reynaud a toujours conservé celle qu'il a reçue du Mans, d'un officier qui s'était retrouvé dans la Sarthe après avoir dû se replier très vite et qui lui disait en substance, Monsieur le Président du Conseil, je vais me suicider dans un instant, mais je vous écris cette carte postale afin que vous sachiez que mes hommes n'ont pas manqué de courage. C'est pas pour ça que je me tue. Et s'ils ne se sont pas fait tuer, eux, c'est parce que le matériel que vous autres, les hommes politiques, avez fait livrer n'était pas suffisant. Redonner du lustre avec le maréchal Pétain, redonner de l'unité, c'est déjà pari perdu, mais redonner du muscle. Alors avec 2 hommes dans ce gouvernement qui vont jouer un rôle important, le ministre de l'Intérieur, c'est Georges Mandel. Et avec Georges Mandel, on rigole pas. Non, alors lui est choisi pour le symbole, parce qu'il a été un des collaborateurs de Georges Clemenceau pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est l'ombre du tigre et du vainqueur qui est là à nouveau projeté. Mais il n'est pas qu'un symbole, Georges Mandel. C'est un homme de droite, d'une droite républicaine mais autoritaire, qui a décidé de sévir contre les factieux, c'est-à-dire d'une part contre les communistes, mais aussi contre tous ceux qui sympathisent un peu trop, pour des raisons idéologiques, avec l'Allemagne nazie. En tout cas, Mandel, c'est vraiment un partisan de la guerre. Lui, pour le coup, il est dans la ligne de Paul Reynaud. Et puis alors, les hauts fonctionnaires qui cèdent à la panique au moment de l'exode, hop, révoqués. Préfet de l'Aisne, préfet de l'Oise, sous-préfet de Montdidier, sous-préfet de Saint-Omer, sous-préfet de Vouziers. Et puis sont dissous les conseils municipaux qui n'ont pas tenu le choc au moment de l'exode. Georges Mandel est très connu, il a été l'adjoint de Clémenceau, et il s'apprêterait volontiers à remplir le rôle du tigre. Mais le général de Gaulle l'est beaucoup moins. Il est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre. C'est un poste important parce que il va se réserver la plus belle salle du ministère, rue Saint-Dominique, et être le représentant de la liaison entre l'Angleterre et la France. Alors ça fait un bon moment qu'il travaille avec Paul Reynaud. Une scène est souvent décrite, nous sommes au milieu des années 30, dans le salon de Madame Georges Picot, le général de Gaulle, le colonel de Gaulle encore, est debout devant la cheminée et il dit « Moi je ne crois pas à ce régime, par contre il y a une possibilité, c'est de convaincre un interlocuteur politique d'en devenir le conseiller militaire et de parvenir avec lui au pouvoir pour faire imposer mes vues ». Voici le témoignage de Jean Haubertin qui se présente comme le truchement entre Paul Reynaud et le colonel de Gaulle. Et ensuite, c'est l'ancien président du Conseil lui-même, Paul Reynaud, en 1966. À ce moment-là, le colonel de Gaulle était un homme d'apparence assez froide, voire empreint d'une certaine réserve, peut-être même d'une certaine timidité. Il s'animait seulement lorsqu'il démontrait la nécessité de doter la France de ce qu'il appelait l'armée du siècle. J'ai eu l'occasion, le 5 décembre 1934, de présenter le lieutenant-colonel de Gaulle à Paul Reynaud. « Je vous apporte le moyen de votre politique, me dit-il. J'avais en effet, 10 ans plus tôt, fait observer qu'ayant perdu nos grands alliés, si nous gardions une armée défensive, nous irions nous battre un jour contre l'armée allemande à 1-2. De Gaulle me demanda de soutenir son idée de créer un corps de division cuirassée la plus percutante des armes de l'offensive si elle est appuyée par une aviation de combat. J'acceptai de défendre son idée à la Chambre. Je l'acceptai d'autant plus que l'Allemagne créait de son côté un corps cuirassé. Je veux dire que j'ai d'abord refusé d'intervenir dans le débat militaire en lui disant « Je suis engagé à fond dans la bataille pour la dévaluation à froid ». Si bien que je lui dis, en tendant la main pour prendre la liste des députés, je lui dis, je vais vous trouver quelqu'un. Inutile, me répondit-il, j'ai déjà cherché, ce sera vous ou personne. Bon, enfin, De Gaulle ne négligeait pas le soutien de Philippe Serres, député Jeune République, ou de l'ancien socialiste Marcel Déat, qui sera plus tard un grand collaborateur. Mais Paul Reynaud, qu'on vient d'entendre, a reçu en 1935 21 lettres du général de Gaulle, en 1936 19 lettres du général de Gaulle, en 1937 moins 12, mais c'est qu'il était déjà convaincu, Paul Reynaud. Oui, en fait, je pense que les deux hommes se sont bien trouvés. Le colonel de Gaulle a besoin d'un porte-parole pour faire valoir ses idées sur l'utilisation de d'unités blindées qui soient capables de se projeter, ce qui est quelque chose qui est en contradiction totale avec le repli derrière la ligne Maginot que nos auditeurs connaissent forcément. Et d'autre part, le colonel de Gaulle souhaite porter les idées de militaires très spécialisés, une armée de métiers, alors que nous sommes encore dans une armée très vaste de conscription. Et donc, eh bien, il a trouvé Paul Reynaud comme porte-parole très convaincu, pas toujours très efficace. Alors, on peut insister un peu sur le rôle de ces autres officiers qui ont pu inspirer De Gaulle, le colonel Maillère, chroniqueur militaire d'un journal, La Lumière, interlocuteur régulier du colonel. Mais alors, lui, Maillère, est-ce qu'il était pour l'association du char et de l'avion? Parce qu'on va dire que c'est ça, la grande idée du général de Gaulle, ou est-ce que c'était pas d'abord un défenseur de l'avion, pendant que de Gaulle était d'abord un défenseur du char, et puis la conjonction des deux s'est faite progressivement. Voilà, et puis il y a aussi le général Étienne, qui a été pendant la Première Guerre mondiale le premier à utiliser les blindés, mais qui lui n'a pas fait la connexion avec l'aviation. Il y a encore beaucoup de discussions sur ce qu'il convient de faire, et de toute façon, à l'intérieur de l'armée française, les partisans d'un grand développement et usage des blindés, restent des hommes tout à fait marginaux et minoritaires. Mais en décembre 1939, le colonel de Gaulle, de son propre chef, il a préconisé dans une lettre adressée à toutes sortes de personnalités un corps blindé soutenu par des escadres d'aviateurs. Il était déjà un peu désobéissant en prenant ainsi personnellement la parole. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est vrai qu'il est assez remuant, il se fait remarquer, il essaye d'intervenir dans le débat politique et public alors même que l'armée française est alors la grande muette. Mais c'est vrai qu'il obtient faiblement et lentement gain de cause, puisqu'en fait, ça n'est que, je dirais, presque au moment où la bataille s'enclenche, qu'il obtient le commandement d'une division cuirassée. Alors justement, un mot sur le rôle de cette division de cuirassés, qui s'est comportée brillamment, même si elle a perdu beaucoup de chars. Elle est obligée d'ailleurs de se replier au 1er et au 2 juin dans un lieu de repos. Mais Jean-Louis Crémieux-Briac, il faut prononcer son nom, hein, c'est quand même un formidable témoin et un grand historien de l'époque, a lu le courrier des soldats et des officiers du général de Gaulle. Nous en avons pris un coup, nous sommes le 1er juin, il ne reste plus personne, mais ceux qui restent, eh ben, ils ont un moral formidable. C'est ça le soldat français, si tu voyais avec quel plaisir il y a à aller au pétard avec des types pareils. Ça, c'est l'unité de Gaulle. Il a obtenu avec cette unité un certain nombre, pendant les 12 jours qui précèdent sa nomination au gouvernement, il a obtenu de réels succès sur le terrain, limités par l'absence d'appui de l'aviation auquel on a fait allusion tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une unité qui donne l'impression qu'on peut faire autre chose que des baroudes d'honneur contre les Allemands, qu'il y a vraiment moyen de se défendre. Le moral n'est pas au beau fixe, mais les derniers sursauts d'espoir sont toujours là à cette date que nous avons évoquée avec vous. Bénédicte Vergès-Chaignan, merci à votre officier du génie des télécommunications et du train. J'ai nommé Jean-Luc. Merci à Hélène Kuyung-Jean, notre réalisatrice, à Julien Dumont à la technique. La réalisatrice à distance, c'était Juliette Gou. Martin Penaïlinka, Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, l'équipe de La Marche de l'Histoire.